ils ont besoin d'avoir un agneau. Dans Exode 12, ils ont besoin d'un agneau. Un agneau sans défaut. Un agneau excellent. Un agneau parfait. Excellente. Parfaite. Sans défaut. Sans imperfection. Et il a dit, quand ils choisissent un agneau, excellent, parfait, sans défaut, ils sont supposés l'offrir en sacrifice. Il a dit, quand minuit arrive, quand minuit arrive, le soir, en ce moment, avant que minuit sonne, ils étaient supposés sacrifier l'agneau. En d'autres mots, le sacrifice de la soirée est supposé être un sacrifice parfait. Et il fallait prendre le sang, le mettre sur le linteau de la porte, afin que lorsque minuit arrive, combien de fois est-ce que vous avez dansé ici? Combien de fois est-ce que vous avez chanté ici? Ou là? Combien d'églises vous avez planté? Combien de gens vous avez guidé à Jésus? Il dit, quand l'heure de minuit arrive, toutes ces choses n'auront aucune importance. Mais ce qui aura de l'importance, c'est que lorsque vous offrez un sacrifice de sang, qu'il soit un sacrifice parfait qui vous couvrira avec le sang. Écoutez-moi. Et à minuit, Jéhovah délivrera Jacob. Il délivrera Jacob. Maintenant, j'ai vu une minute avant minuit. Comment est-ce qu'on peut se préparer? Humbles mortels, êtres humains, comment est-ce qu'on peut se préparer? L'Église, la nation, à recevoir l'heure de minuit. Écoutez ceci. Si vous suivez la conversation qui a sauvé Israël de Goshen, d'Égypte, de l'esclavage, écoutez ce qui est arrivé. Le Seigneur, il leur a dit essentiellement que lorsque minuit sera là, Israël est supposé se séparer. Voilà le message. Israël, si vous écoutez, Jéhovah a dit, je vais tuer le premier-né parmi les Égyptiens, depuis le roi et les hommes et les animaux. Mais vous, Israël, j'ai délivré le premier-né des cieux pour mourir pour vous. Alors Israël, vous vous séparez et commencez à sacrifier

Les versets 13 et 14. Entrez sur le chemin étroit. L'heure de minuit est ici. En cette heure, l'Église doit trouver le chemin étroit, être séparé du monde pécheur et commencer à marcher dans le chemin étroit. Jésus a été rejeté parce qu'il a offert le sacrifice parfait. Qu'en est-il de vous? Serez-vous rejeté pour offrir un sacrifice parfait? Le plus grand problème, écoutez-moi, en cette heure, 1 minute avant minuit, le Seigneur dit que voici, le jour nouveau est ici. Le Seigneur dit qu'en ce moment, l'Église a besoin d'être séparée du monde, du péché. Pour combien de temps est-ce que vous allez pencher entre Jéhovah et le monde? La Bible dit de faire tous les efforts pour être saint. Car sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. L'équipe de louanges, est-ce que vous adorez dans la sainteté? Est-ce que vous êtes juste en train d'adorer? Ou bien si vous adorez dans la sainteté? Le parfait sacrifice du soir est le sacrifice de la sainteté, de justice, de séparation, le sacrifice d'obéissance. Comment est-ce que vous adorez Jéhovah? Ce message, je l'ai apporté à Puerto Ordaz, à Caracas, à Valencia, à Saint-Félix, dans d'autres villes. Et maintenant, en Russie, je n'ai pas été. Jéhovah a investi beaucoup ici. Jéhovah s'attend à un retour. Il s'attend au fruit de son investissement. Ce fruit, c'est l'Église qui va être enlevée. Ce fruit est une église parfaite. Le Seigneur, avant l'heure de minuit, il a dit à la maison de Jacob, quand l'heure de minuit est proche, ils ont sacrifié le sang excellent. Il leur a dit, il leur a dit qu'ils devaient manger des herbes amères. Des herbes amères. Pour qu'ils puissent se souvenir du rejet par l'Égypte. Vos filles, vous avez besoin de leur enseigner